Charlotte, tu es brune et jolie. Charlotte, tu m'espionnes même la nuit. Mais n'oublie jamais que moi je suis un garçon qui te trouve très jolie. Charlotte, toi tu joues l'anonyme. Charlotte, je t'ai même pris pour Périne. Mais c'était bien toi, et quand tu me l'as dit, moi je t'ai trouvé très jolie. Charlotte, viens, on va au ciné. Charlotte, ne dis pas non, s'il te plaît. On irait voir une romance ou une comédie, et je te trouverais très jolie. Charlotte, tu as sûrement un copain. Charlotte, je connais mon destin. Mais bon, tant pis, nous resterons amis, car je te trouve très jolie.